Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Caprice de lecture, où aujourd'hui nous allons explorer le harcèlement sur un passage de la vie qui n'est pas toujours simple, parce que c'est l'entrée de l'adolescence au collège, avec son auteur, Valentin Christophe. Mmh. Bonjour Valentin. Bonjour Sarah, bonjour à tous. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Eh ben moi aussi, ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas partagé les studios. Alors ça faisait longtemps, ça faisait depuis Ultime Espoir, donc ton premier roman. En 2023, qui nous parle plutôt de la Seconde Guerre mondiale et puis on va dire de la déportation, donc sa phase la plus sombre. Aujourd'hui, tu reviens avec un nouveau roman qui s'appelle Le poids de la honte, où, comme je le disais en introduction, on va explorer un petit peu donc, le harcèlement, qui est un sujet d'actualité fort. Bien sûr, oui. Voilà. Et donc, tu vas un petit peu nous expliquer donc, comment tu as écrit ce livre. Mmh. Alors, on va commencer tout de suite. En introduction, justement, tu expliques, je cite, « Mon livre n'est pas simplement un roman de fiction classique, mais une invitation à la réflexion. » Alors, pourquoi ce thème, la grossophobie au collège, Valentin ? Eh ben, comme tu l'as dit à l'instant, je pense que c'est un thème qui est très récurrent. Il suffit de regarder les news, les infos, et on voit qu'il y a des choses, des faits qui arrivent tous les jours. Ça arrive tous les jours. Et j'avais besoin de mettre l'accent sur ce thème très important où beaucoup d'adolescents, que ce soit à l'entrée du collège ou même à la fin, ou même en général dans les périodes scolaires, subissent du harcèlement. Ouais. Des moqueries, on en a tous eu un jour. Et je pense que ça peut mettre en lumière aussi un fait, voilà, le harcèlement scolaire, mais c'est pas forcément ça peut être surtout, en fait, ça peut être sur la couleur de peau, ça peut être sur le statut social. Sur un t-shirt. Ça peut être également sur l'orientation sexuelle, ça peut être plein de thèmes. Et quand je dis que c'est une invitation à la réflexion, je pense que les personnes qui vont lire ce livre vont tout simplement se dire « Ah oui, il y a vraiment quelque chose. Je ne savais pas que le harcèlement était un fait aussi important, trop minimisé, et je ne savais pas que ça prenait autant d'espace, autant d'importance. » Et peut-être qu'en lisant ce livre, les personnes vont s'en rendre compte que c'est quelque chose qui est quotidien. Et pas simplement là où on habite à Nancy, mais dans partout. Et le harcèlement n'a pas lieu simplement en France, mais dans tous les pays. Dans tous les pays, il y a des jeunes garçons, des jeunes filles, ou même des collégiens ou des lycéens qui subissent ces moqueries. Ce livre, il va simplement, pour but principalement, c'est pour ça l'invitation à la réflexion, c'est se dire que c'est quelque chose qui est fréquent. Et comment je vois les choses, comment je comprends cette chose-là, et comment je peux réagir surtout. Ouais. C'est ça. Et fait. C'est aussi, je pense, un message, comme tu le disais, universel, c'est-à-dire ne vous sentez pas seul. Mmh. Parce qu'on est, en fait, soit on a été concerné au moins une fois, soit on est en plein dedans où on assiste à quelque chose comme ça et en fait, on n'arrive pas à mettre des mots dessus. Mmh. Ou alors, peut-être que nos enfants ou les prochaines générations vont aussi être victimes de harcèlement. Eh oui, et ce livre, dans l'introduction de mon livre, je précise que si, par exemple, vous pourrez le lire, que si vous subissez actuellement du harcèlement, c'est écrit dans le livre, ce livre va vous aider, tout simplement. Il va vous aider, il va vous aider à mieux comprendre. Et si vous êtes dans une situation comme le personnage principal qu'on va évoquer, ce livre vient simplement pour but de vous consoler, de vous dire, tiens, voilà, vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas toute seule. Et vous avez un livre dans vos mains que vous allez lire et que vous allez permettre de comprendre le fonctionnement, je dirais même le procédé. Parce qu'il y a toujours dans le harcèlement, il y a toujours les moqueurs et le harcelé. Ouais. Voilà. Alors justement, on va parler donc du harcelé de ton roman qui s'appelle Rémi, qui est le héros de ce livre, parce que je pense qu'on peut l'appeler héros. Ouais, dans c'est ce cas-là. L'héros. Et d'ailleurs, c'est également le prénom de ton parrain. Tu dédies ce livre à ton parrain qui s'appelle Rémi. Mmh. Et c'est un ado qui souffre énormément, parce que page 17, justement, tu expliques. Seul derrière les grands chênes, dans ce ciel si gris et monotone, dans ce vent qui vient fraîchir son visage, sa vie est un remue-ménage. Il cherche désespérément un sens à sa vie. Pourquoi suis-je là? Suis-je ici pour souffrir? Alors, je trouve déjà que c'est extrêmement violent à lire, parce que c'est un jeune gamin qui se dit « mais c'est pas possible, ma destinée c'est vraiment subir tout le temps, parce qu'il ne voit pas d'issue à cette situation. » Est-ce qu'il y a une... Voilà, dans ce témoignage, est-ce que c'est un... Pour moi, je ne sais pas si c'est un témoignage, donc de quelque chose que tu as pu vivre donc en tant que témoin, si c'est quelque chose d'un petit peu autobiographique ou si c'est quelque chose de fictif. Je pense qu'entre le prénom de ton parrain, qui est un être qui t'est très cher, et ce jeune héros, il y a un lien bien plus fort que ce roman. Oui. C'est ça ? Ouais, c'est ah ouais, je suis contente. Voilà, j'ai bien deviné. Ouais. Tu peux nous expliquer un petit peu, Valentin ? Alors, en fait, il n'y a pas totalement de lien entre mon parrain et le héros, hein, Rémi. C'est juste qu'en fait, c'est juste que, comme j'ai précisé, mon parrain s'appelle Rémi et je ressens pour lui une très grande affection. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est mon parrain de baptême. Et, c'est quelqu'un qui t'a aidé dans ta vie ? C'est quelqu'un qui m'a aidé, notamment quand j'étais au lycée. Ouais. Parce que je l'ai rencontré, ça fait un petit bout de temps. Hein. Ouais. Avant mon baptême adulte, je l'ai rencontré en 2011. D'accord. Et c'est quelqu'un, c'est même écrit, c'est une surprise, mais c'est même écrit à un moment donné dans la dédicace que c'est quelqu'un qui m'a énormément aidé. Ouais. Et en fait, je l'ai tout simplement appelé Rémi, le héros, parce que je me suis dit, comme cette personne que j'apprécie énormément, je me suis dit, pourquoi pas en faire un personnage. C'est une façon de lui rendre hommage. Voilà, c'est une façon de lui rendre hommage. Pour tout ce qu'il a fait pour toi, ou tout ce qu'il t'a apporté. Exactement. Et puis ce petit Rémi en cinquième qui s'assoit seul sur ce banc, c'est un autre Rémi, un vrai Rémi, mon parrain, un vrai Rémi qui est venu et puis qui a essayé de rassurer ce Rémi qui était tout seul sur ce banc, qui était exténué par tout ce qu'il vivait. Ouais. Donc je dirais que le Rémi qui est le personnage, il va rencontrer aussi un autre Rémi, entre guillemets. Et quand il est tout seul sur ce banc, il cherche désespérément un sens à sa vie, c'est un peu comme moi aussi. Je cherchais désespérément un sens à ma vie, où à l'époque j'étais scolarisé dans un lycée, pas en Meurthe-et-Moselle. Mais t'étais pas bien peut-être ? J'étais pas bien, pas bien du tout. Ouais. Pas bien dans ton corps, dans ta tête ? Pas bien dans mon corps, avec des relations... avec des camarades de classe qui n'étaient pas forcément très, très sympathiques, j'ai subi pas mal et je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai voulu faire le lien entre le fait que Rémi m'ait beaucoup aidé. Est-ce que le Rémi du roman ne serait pas notre Valentin ado, un petit peu édulcoré quand même ? Je dirais que c'est une petite, comment dire, une légère autobiographie. Okay. Mais pas sur le thème de pas sur la thématique. Pas sur la thématique de la grossophobie, mais sur le fait d'avoir été embêté par certains camarades. D'accord. Voilà. Ok. Alors, on va faire une première coupure musicale, Valentin, de ton choix. Donc, c'est une chanson de Garou. Ah oui, Garou. Qui s'appelle « Seul ». Mais oui, « Seul ». Alors, pourquoi ce choix, Valentin ? Il n'y a pas vraiment de lien. C'est juste que j'aime beaucoup Garou. Ok. « Seul », voilà. Moi, ça me va bien. C'est une explication parfaite pour moi. Et on se retrouve juste après pour la suite de « Du poids de la honte », donc écrit par Valentin Christophe. Seul, au moins une fois dans Prise de lecture sur Fadjet. De retour pour cette deuxième partie d'émission, toujours en présence de Valentin Christophe pour son deuxième roman, Le poids de la honte. Alors, Valentin, on va commencer cette troisième question par une petite lecture d'extrait du roman, parce que c'est un roman assez, assez choc, je veux dire, réveille un peu les consciences. Oui. Parce que page 40, tu écris « Qu'est-ce qui fait quelqu'un ? Ce n'est pas la couleur de ses yeux, ce n'est pas sa coiffure, son visage ou sa façon de s'habiller. » C'est ce qu'il y a dans sa tête plutôt ou dans son cœur. Alors, pour en arriver là, je me dis, en lisant cette phrase, je me dis déjà, on est quand même sur un certain niveau de maturité. Surtout que généralement, dans la société d'aujourd'hui, on a tendance à juger quelqu'un de prime abord sur son physique. Ah oui. Il est gros, il est petit, il est beau, il est moche, voilà, avec chacun un petit peu notre carte du monde. Moi, je peux trouver une personne belle pendant qu'une autre personne à côté de moi n'aura pas toujours la même appréciation. Tu vas un petit peu à l'encontre de tous ces codes. Et oui. Comment t'en es arrivé à cette maturité-là? En fait, je considère que dans la société actuelle, des fois, la société nous impose des choses, comme que ce soit, voilà, à 20 ans, on se marie, on a des enfants, et la société nous impose aussi que le physique, c'est important, donc on doit être mince. Oui. Hein, on pour être accepté dans les codes. Voilà, on voit rarement des personnes obèses ou en surpoids. En surpoids dans les pubs. Ça commence un peu à arriver. Et donc, cette société nous dit, elle nous fait sous-entendre dire que oui, il faut être mince, il faut être bien coiffé. Et souvent, quand on tape, par exemple, homme sur Internet, sur Google, qu'est-ce qu'on voit? C'est que des hommes qui sont minces, super bien coiffés, super bien stylés. Musclés, avec des abdos. On veut nous faire croire que ça, c'est les codes à respecter. Voilà, on pense que c'est la réalité. On pense que, oui, pour se faire accepter par un groupe ou pour intégrer la société, il faut être comme ça. Mais moi, je me suis rendu compte au fil des années que je pense, personnellement, je suis très exigeant avec moi-même au niveau physique aussi. Ouais. J'essaie toujours au niveau vestimentaire de bien m'habiller, d'être bien habillé, correctement. De m'apprêter, de me coiffer. Et aussi, il y a quelque chose qui est important, que j'ai besoin de préciser aux auditeurs, là, c'est qu'il y a quelques temps, il y a moins d'un an, j'étais aussi en surpoids, et je me suis dit, Valentin, si tu veux te sentir bien, si tu veux avoir confiance en toi, si tu veux être mieux accepté par les autres, il faut absolument que tu perdes du poids, il faut vraiment que tu m'insistes. Donc j'ai perdu une vingtaine de kilos en l'espace de 6-7 mois. Je me suis battu, et après quelques temps, je me suis rendu compte, mais Valentin, le fait que tu aies perdu tous ces kilos, est-ce que ça t'a changé la vie? Est-ce que le fait que tu sois mince, que tu sois bien habillé, que tu te coiffes, que tu sois mince, est-ce que ça a changé ma vie? Et à l'époque, j'avais fait une thérapie, j'avais beaucoup besoin d'une thérapie. D'accord. Et alors, réponse aujourd'hui, est-ce que ça a changé ta vie? Là, le physique n'a pas changé ma vie parce que je me concentre sur mes qualités intérieures et intérieures. Pourquoi? Parce qu'on a tous des qualités physiques, mais aussi des qualités intérieures. Moi, par exemple, personnellement, c'est la radio. J'anime une émission tous les samedis à 17h. Ouais. Pour moi, c'est pas forcément une qualité physique. C'est une façon de t'épanouir aussi. C'est une façon de m'épanouir. Et le fait que t'aies perdu du poids, c'était peut-être aussi une question de bien-être. Même si toi, au départ, tu as peut-être cru que c'était une façon d'être... pour mieux accepter et rentrer plus dans les codes. Voilà, c'est ça, en fait. On essaie, exactement, on essaie de rentrer dans les codes. On se dit que, de toute façon, si je veux être intégré pleinement dans la société et être comme les autres, il faut que je sois mince avant l'été, il faut que je fasse un peu de musculation. Puis on m'a toujours dit, mais Valentin, comme t'es mince, mais va à la salle, va faire de la musculation, j'ai pas envie. Mange des protéines. Voilà. Exactement, les protéines, qu'est-ce que je vais faire? C'est bon, un beefsteak, c'est bon. En fait, je pense aussi que le fait de s'apprêter, c'est aussi une façon de se respecter. Ça veut dire, quand on s'apprête, ça veut dire qu'on s'apprécie soi-même. C'est important de s'apprêter déjà pour soi-même. J'essaye, en tout cas. C'est très important pour soi-même. Voilà, après, je pense que les qualités intérieures aussi sont très importantes. Ben oui, comme l'intellectuel. Les qualités intérieures, on en a plein un peu, par exemple. Pour quelqu'un qui, moi, ça serait plutôt l'éloquence, on va dire, comme j'anime mon émission quand même pas mal dedans, donc c'est plutôt à l'aise à l'oral. Et voilà, et je pense que le passage que tu viens de lire, il nous explique clairement que oui, de toute façon, les qualités physiques, la société nous impose, parce que c'est la première chose qu'on voit. Oui, mais tu sais, c'est comme un paquet cadeau de Noël. Exactement. C'est pas parce que le paquet est beau à l'extérieur que ce qu'il y a dedans, c'est ce qu'on attendait. J'ai 31 ans aujourd'hui et j'ai compris ça, mais pendant des années... Tu l'as aujourd'hui? Ah oui, j'ai compris, mais ça, le physique ne fait pas tout. Ça peut faire, mais ça ne fait pas tout. Je suis d'accord. Parce qu'on peut, d'un point de vue sociétal, on peut très bien être en couple, par exemple, et avoir le physique qu'on a. On n'est pas forcément obligé de s'appeler Tom Cruise ou Brad Pitt pour être heureusement. En couple. Pour travailler, pour trouver un travail, on n'a pas besoin non plus. Bien que de toi, moi, Tom Cruise, Brad Pitt, quand même, ça commence un peu à décliner, quand même. Ouais. Mais bien, à l'époque, Mais pour trouver du travail, on n'a pas besoin d'être super mince, d'être bien coiffé. Oui. Pour rentrer dans un, je sais pas, pour rentrer dans un musée, dans un restaurant, on n'a pas besoin. Et je pense que cette thérapie que j'avais faite il y a très longtemps, le psychologue m'avait dit à l'époque, il m'a dit, mais concentre-toi sur tes qualités comme la radio, comme le fait que tu sois, que tu fasses plein de choses. Et que tu développes d'autres talents. D'autres talents, je fais de la musique, j'ai enregistré. Et je me suis rendu compte que c'est ça qui me fait vivre. Et aujourd'hui, ça va ? Ah, ça va très bien. T'es bien. Ça va beaucoup mieux parce que je me suis rendu compte que même si on a voilà, c'est pas le physique qui compte. Oui, exact. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. On peut très bien avoir une apparence super sexy, comme on dit, et puis peut-être que la personne ou la femme, garçon, femme, et que ça sonne creux à l'intérieur. Voilà, comme on ça dit. Sonne creux. Peut-être que la personne peut être égoïste ou alors pas forcément. Ou méchante ou empathique, un peu perverse ou voilà. Je pense que le physique. C'est comme tu viens de dire, on va terminer ça, le physique, c'est comme un paquet cadeau, on voit le paquet cadeau, on se dit « Oh, c'est beau », puis une fois qu'on ouvre dedans, on peut trouver des choses moins belles. Ah voilà, comme quand on n'a pas été sage, un morceau de charbon. Voilà. Alors, Valentin, tes projets pour 2025, est-ce qu'il y aurait un autre roman? Est-ce que tu as des projets radiophoniques ou d'autres choses, des dédicaces ou que sais-je encore? Je veux tout savoir. D'un point de vue... rédaction livre et littéraire. Je compte écrire un troisième livre, je pense. Je pense partir sur un troisième livre, mais là, aujourd'hui, je n'ai pas vraiment réfléchi à quelle serait la thématique. D'accord. T'as une idée, t'as envie, mais pour l'instant, J'ai pas vraiment d'idée, mais là, pour l'instant, je pense. Là, je suis en train de réfléchir, mais il semblerait que ça soit plutôt autobiographique aussi. D'accord. Voilà. Tu reviendras nous en parler. Je reviendrai et je serai fier de partager le micro. Ah bah toi. Super. Voilà. Ouais. Alors, on va faire une deuxième coupure musicale, toujours de ton choix, c'est Florent Pagny, Les Murs Porteurs. Explique-nous. Bah, cette chanson-là, elle évoque beaucoup de choses. Okay. C'est-à-dire que quand on a le poids de la vie qui est super compliqué, on porte tout, on a les murs porteurs qui permettent de tout tenir. Voilà. D'accord. Donc, t'aimes bien l'écouter. Voilà, j'aime bien. Alors, on va le découvrir tout de suite et on revient juste après. Pour ton caprice de lecture et puis ton actualité sur les réseaux. Ça marche. Passer la folie des grandeurs, l'envie de jouer les grands seigneurs. Passer l'ivresse, passer l'ardeur, quand les fruits n'ont plus de saveur. Revenu de 7 ans de malheur, d'un accouchement dans la douleur. Lassé de mentir et faire l'acteur. Quand on n'est plus à la hauteur, restent les murs porteurs, des amis en béton, un frère, une petite sœur, pour voir à l'horizon. Restent les murs porteurs, pour tenir la maison. pour surmonter ses peurs ou vaincre ses démons. Des promesses, la main sur le cœur, plus fort que d'être le meilleur. Perdu dans le collimateur, qu'on soit soldat ou déserteur. Des candies gravés dans le cœur, des milliers d'heures de vol au compteur. Des beaux discours, des beaux parleurs, qu'on soit dans le flou ou dans l'erreur. Restent les murs porteurs, des amis en béton, un frère ou une grande sœur, pour voir à l'horizon. Restent les murs porteurs pour tenir la maison, pour surmonter ses peurs ou vaincre ses démons. De jouer les durs, les cascadeurs, des souvenirs hauts en couleur, de l'utopie d'un monde meilleur, de tout ce qu'on a appris par cœur. Restent les murs porteurs pour se couper du vent, pour tenir la longueur, faire face au tremblement. Restent les murs porteurs pour s'abriter du froid, pour conjurer le malheur et retrouver sa voix. Prise de lecture sur Fadjet. De retour pour cette troisième et dernière partie d'émission avec Valentin Christophe, donc pour son deuxième roman, Le poids de la honte. Valentin, oui. Ça va être à toi de jouer parce que tu vas nous présenter ton caprice de lecture. Alors, je vais pour commencer. Donc, mon livre que j'ai choisi, c'est Retour à Birkenau de Kolinka. Kolinka. En fait, je vous explique. Il y a un an ou deux, à Noël, ma mère a tout simplement rencontré cette femme qui est très âgée, elle a 94 ans, 95 ans. Ok. Dans un lieu où elle faisait un témoignage. D'accord. Et comme elle a lu mon premier livre, donc Ultime Espoir. Donc c'était un témoignage juste pour que les auditeurs comprennent bien sur la déportation. D'accord. Effectivement, okay. Ginette Kolinka est venue à Épinal justement pour témoigner. Et ma mère lui a demandé une petite dédicace. Quand okay. Donc il faut absolument que tu lises le livre. Et je me suis rendu compte, en fait, c'est exact. Il y a énormément de liens. Bon, pour ceux qui ont lu mon livre, évidemment, oui. Il y a un lien extraordinaire et super fort entre le premier livre, où on y voit en fait qu'en mars 1944, elle est arrêtée avec des membres de sa famille. À Birkenau, pourtant, c'est la fin de la guerre, quasiment. Mais oui. Ils ne savent pas, en fait. Et on y voit des choses communes par rapport au premier livre, comme la faim, le froid, la nudité, les humiliations, la violence verbale, toutes ces horreurs qu'ont vécu toutes ces millions de personnes dans ces endroits glauques, vraiment horribles. Et en lisant ce livre, je me suis dit, mais en fait, elle a du courage énorme. Et puis, elle porte, je trouve, elle est lumineuse, cette femme. Incroyable, j'aime beaucoup cette personnalité. Et un message d'espoir incroyable, malgré tout ce qu'elle a vécu. C'est terrible, elle est revenue seule, il n'y avait plus aucun membre de sa famille. Ouais. Et on y apprend aussi que, oui, effectivement, on voit toute cette horreur, en fait. Et ce que j'aurais tendance à même dire, et c'est ça qui m'embête, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a encore des gens qui ne le savent pas, qui ne croient pas. Oui. Et je crois que ce livre, pour moi, que ce soit celui de Ginette Colinca ou le mien que j'ai écrit sur la déportation, je crois que ce livre il a aussi pour but de témoigner de quelque chose qui a réellement existé. Et ne pas oublier. Ne pas oublier, avoir toujours ça dans nos mémoires, que ce soit à l'école, que ce soit dans la vie de tous les jours. Dans n'importe quel secteur de la société. Oui. Et en plus, bizarrement, je ne l'ai jamais vu cette femme, parce que ma mère l'a vue. Et elle a encore cet humour, elle a une personnalité incroyable. Je la trouve lumineuse, c'est un rayon de soleil. C'est incroyable cette personne. Et je ne sais pas si tu regardes sur France 2 l'émission avec les personnes qui ont des troubles. Non, je n'ai pas vu. Alors je vois la papotin. C'est le papotin, je crois. Voilà. C'est ça, oui. Ah ben, figure-toi qu'un jour, elle était venue et tout le monde. Et ça devait être diffusé, je crois que c'était cet été, je crois. D'accord. Au mois de mars. Enfin, un printemps ou été, je ne sais plus. Elle a fait une émission, elle est passée, et les enfants, enfin, ça passe des enfants et des adultes, un peu tous les âges, ont posé des questions très pertinentes. Là, pour le coup, c'était des questions très pertinentes. Et elle répond d'une manière presque poétique, presque lumineuse. Ah, c'est chouette. Parce que quand on voit en tout cas le cadre dans lequel on était, qu'aujourd'hui, elle arrive à témoigner avec presque de l'humour, oui, presque, avec une façon de dire que finalement, je suis là aujourd'hui, je profite de la vie. Chaque jour, elle est contente d'être en vie. J'ai survécu au pire. C'est génial. Un peu comme le personnage, mon ancien livre, que vous pourrez lire, chers auditeurs, au milieu de toute cette agitation, que ce soit physique ou au niveau de la violence, on se dit que ma vie elle a un sens, je vais me battre pour vivre. Et c'est ce qu'elle a fait. Et je pense que cette femme est courageuse. Si elle n'avait pas eu le courage qu'elle a eu, elle n'aurait pas survécu. Exact. Valentin, pour terminer, où est-ce qu'on peut retrouver ton actualité sur les réseaux? Est-ce que tu partages un petit peu? Est-ce que voilà? Alors, je partage pas forcément tout ce qui est mes lectures et mes livres. Par contre, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Valentin Christophe. Ok. Voilà, sur Instagram, Valentin Christophe également. Et puis. Et effectivement, si vous avez même des questions, ça peut arriver. On peut te poser des questions. Poser des questions. D'accord. Sur un passage d'ailleurs, voilà, bon bref. Mais oui, vous pouvez me rejoindre, pas de problème. Eh bien super. Voilà. Merci beaucoup Valentin avec de nous avoir Sarah. Accordé ce temps. J'étais ravie de te recevoir, ça m'a fait plaisir. Ça faisait longtemps. Et puis, on se dit à très bientôt. À très bientôt. Dès que le prochain sort, Merci le prochain roman. Merci de m'avoir invité. Je t'en prie, à bientôt, au revoir. Au revoir.